Bongo, Douimana. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le ministre burundais de l'Intérieur a annoncé ce jeudi la fermeture des frontières burundo-rwandaises. Il était en réunion avec les administratifs de la province Kayanza, les chefs de service et les agents de sécurité. Et le président du parti FPI, Fraternité des Patriotes, Ineza, plaide pour un leadership de qualité pouvant amener le pays à de meilleurs changements. Francis Rouhiro a animé une conférence de presse ce jeudi. Et le ministère chargé de l'Environnement compte approcher d'autres organes de l'État pour faire face au risque imminent d'écroulement des berges de la rivière Nangwa, non loin du pont de la République. Voilà pour le sommaire. Ouvrons ce journal par cette famille habitant la 13e avenue du quartier Twinyoni, en zone Kamenge de la mairie de Bujumbura, qui dit avoir été chassée et malmenée par des agents de la police, accompagnée par le chef du quartier. C'était ce jeudi, dans ce qu'ils ont appelé fouille et perquisition. La famille et les voisins indiquent qu'elle serait victime de conflits fonciers liés à la vente de la parcelle qu'elle occupe et demandent que l'affaire soit traitée par la justice et non la police. Un reportage de Jean-Marie Mayonga. Cette famille qui dit être malmenée par la police, accompagnée par le chef du quartier Twinyoni, le matin de ce jeudi, n'ont pas connu le motif de ce travail, soi-disant de fouille et perquisition. Cette famille se vit embarquée dans le camion de la police et les acheminée au commissariat de police ex-Besser, où ils ont été gardés pour un moment au nombre de 8. Nous nous sommes dirigés toute la famille dans sa maison en construction et nous avons vu la police qui nous a tabassés et les autres ont été emprisonnés. Une voisine a affirmé que ces gens-là ont été tabassés par les policiers et embarqués dans les camions et par appeler, le chef du quartier a mis des cadenas sur le portail de la parcelle. Un parmi les 5 élus collinaires signale que le motif de cette arrestation serait lié au conflit familial sur la vente de cette parcelle sans le consensus de toute la famille. Il demande que la justice intervienne pour trancher cette affaire. L'un des garçons de cette famille, appelé David, m'a dit qu'il veut acheter la parcelle. À mon arrivée, leur père m'a dit que son fils veut acheter la parcelle et la réhabiliter. Le montant de 80 millions devrait être partagé pour ces 4 femmes. Après les conventions, David a changé de parole, disant qu'il va chercher une autre parcelle pour la famille, chose qu'une n'a pas été faite. Et c'est là le début des conflits parce qu'il n'a pas trouvé une nouvelle parcelle pour la famille. Les 8 personnes qui ont été arrêtées ont été libérées par l'OPJ qui avait le dossier et les a envoyées dans l'administration communale pour continuer le procès. Le porte-parole de la police des Irène Douimana a simplement déclaré que les agents de la police sont intervenus pour éviter que les parties en conflit ne se rentrent dedans. J'affirme qu'il n'y a pas eu de fouille et perquisition. L'opération qui a eu lieu, c'est quoi? Il y a une famille à cet endroit-là, 13e avenue numéro 11, où un père qui a disparu il y a du temps avait fait naissance à plusieurs enfants. On dit qu'il aurait laissé 26 enfants. Un de ses descendants aurait voulu présenter qu'il a fait un achat d'une parcelle à son père et que maintenant, il voulait alors procéder à la construction d'une maison dans la dite parcelle. Or, cela n'existait pas. On ne peut pas acheter une parcelle familiale à son père. La propriété qui appartenait aux parents est transmise directement aux descendants qui doivent la partager. Alors, ce qui a eu lieu aujourd'hui, l'administration à cet endroit a requis formellement la force publique pour intervenir, donc faire la prévention à ce qu'il n'y ait pas de coups et blessures entre les frères et sœurs, qu'il n'y ait pas de casse. Puisque à ce moment-là, ceux qui se trouvaient lésés voulaient empêcher la construction dans cette parcelle qui alors est supposée leur appartenir tous, alors que un des frères et sœurs voulait s'en approprier seul. Alors, quand la police administrative a transmis ces gens à un officier de police judiciaire, l'OPJ les a écoutés, a constaté que l'affaire était typiquement familial, civil. Or, si la police administrative intervient, c'est pour limiter qu'il y ait des casses, pour limiter qu'il y ait un crime. C'est ce qui a été fait. La police n'a frappé personne. C'était Désiré Ndouimana, porte-parole de la police. Et le ministère chargé de l'Environnement compte approcher d'autres organes de l'État pour prendre une décision sur l'urgence des ouvrages qui s'écroulent dans la rivière Nangwa, non loin du pont de la République. Une réponse du directeur général de l'environnement, des ressources en eau et de l'assainissement après le constat d'un risque d'écroulement des berges de cette rivière. Christian Imouona appelle les Burundais à respecter la chose publique. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. Nous avons constaté hier le risque d'écroulement des infrastructures sur le pont communément appelé pont de la République sur la Nahangwa. Des risques qui sont liés aux activités de malfaiteurs et couplés avec les fortes pluies qui viennent des contreforts, ce qui est globalement en effet lié au changement climatique. C'est une zone qui avait été exposée au même risque dans les années antérieures et qui a conduit à la mise sur pied d'un projet, le projet de gestion communautaire de risques de catastrophes liés au changement climatique, qui a travaillé sur la zone entre 2015 et 2020, qui avait pu restaurer la zone et les berges de la Nahangwa sur le côté sud. Il est aussi prévu un projet qui va bientôt démarrer, le projet de restauration du paysage pour accroître la résilience dans les zones urbaines et périurbaines de Bujumbura, qui va également travailler sur la même zone, mais sur le côté amont. C'était un projet qui a été pensé pour stabiliser effectivement les eaux d'écoulement dans la Nahangwa. Les choses étant comme elles sont, les autorités concernées vont se mettre en œuvre pour pouvoir apporter des réponses urgentes à ces questions qui se posent aujourd'hui. Les structures qui sont concernées, d'une manière collégiale, vont se mettre ensemble pour trouver les réponses à ce problème. Dans l'urgence, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour minimiser ce risque? Nous allons immédiatement envoyer des experts pour nous fournir les recommandations immédiates qui vont guider les actions suivantes selon la gravité et selon l'urgence de ce qu'il y a sur le terrain. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. On parle toujours infrastructures. Le ministre des Infrastructures dit d'être prêt à secourir en cas de situation d'impraticabilité survenue sur la route nationale numéro 9. Suite à des intempéries lors des questions orales à l'Assemblée nationale mardi, le ministre Dieudonné Ndukundane a indiqué que la réhabilitation de cette route Bujumbura-Cibitoke dépendra des conclusions de la relecture commune du contrat qui liait le récent maître d'œuvre au gouvernement civil. Les travaux de réhabilitation de cet axe Nyamitanga-Ruhwa ne figurent pas sur l'actuel PTBA. Mais comme nous l'avons constaté la semaine passée, nous sommes en train de voir comment échanger encore une fois avec la société qu'il a récemment construite. Dernièrement, il a bouché les nids de poules, mais nous constatons qu'il y aurait eu des anomalies lors des travaux de construction. C'est un grand problème qui ne peut pas être résolu par le bouchage. Mais nous demanderons aux instances habilitées pour revisiter encore une fois le contrat qui avait été attribué à l'entreprise pour nous rassurer qu'on ne peut pas avoir réclamé auprès de cette même entreprise. Nous allons également demander s'il y a eu la réception définitive de cet axe parce qu'un linéaire non négligeable a été endommagé. Les gens disent que peut-être la route est délabrée suite au tonnage des camions faisant des navettes en transportant du ciment ou le clinker. Ça aussi, c'est vérifiable. Ce délabrement de cette route est survenu en un laps de temps, ça nous préoccupe. En attendant, comme nous l'avons fait ce week-end dernier, à chaque fois qu'il y a un incident sur cette route, on s'occupera du dégagement pour être passable. Le ministre Dieudonné Ndukundane des infrastructures qui dit également ne pas comprendre les raisons du retard dans la réhabilitation de la RN9 Bujumbura-Bubanza tronçon côté Boupon Gikoma. Dieudonné Ndukundane explique que le financement des travaux est disponible et que même le contrat d'exécution a été signé par le maître d'œuvre. Je vous l'avais dit dans les titres, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique annonce la fermeture des frontières terrestres du Burundi avec le Rwanda. Il explique que cette mesure est consécutive à la détérioration des relations diplomatiques entre les deux pays. Il l'a dit à Kayanza dans une réunion de service avec les administratifs de la province Kayanza, les chefs de service et les agents de sécurité. On l'écoute. Nous sommes rendus compte que notre voisin n'était pas un bon voisin. Ce dernier est le président du Rwanda. C'est pour cela que nous avons stoppé la coopération avec lui. Car nous sommes rendus compte que ses projets ne sont pas clairs. il a donné refuge à des malfaiteurs qui créent de l'insécurité ici chez nous. La majorité des malfaiteurs passent chez lui. Aujourd'hui, nous avons fermé les frontières et personne ne passe. La décision a été prise. Je vous le dis, que personne n'y aille, voulant passer par Gasenyi-Nemba ou Kanyaru, elle ne va pas passer de l'autre côté. Nous ne voulons pas côtoyer les Rwandais. Même ceux qui étaient sur place, on les a expulsés. Dernièrement, je vous avais demandé un rapport concernant les étrangers se trouvant sur place. Vous savez quand vous me l'avez donné. Nous l'avons analysé et tout cela s'est bien passé. Il y a une manière que le pays doit être dirigé. Ne dites jamais que la question de sécurité concerne le commissaire communal ou provincial ou autre personne. Cela nous concerne tous. Les administrateurs, vous avez déjà eu beaucoup de messages, n'est-ce pas? Quel chef de zone, prêt à me dire comment il collabore avec les administrateurs pour qu'ils m'en disent plus? Le ministre de l'Intérieur et le gouverneur de la province Kayanza, Rémi Tshishahayo, a de son côté indiqué que ces derniers jours, des éléments des forces armées rwandaises ont illégalement traversé les frontières vers le Burundi. Suivez-le. Les frontières du pays sont très bien sécurisées par les corps de défense, de même que la Kibira et même dans toutes les communes. Les comités mixtes de sécurité sont à l'œuvre et accomplissent correctement leur mission. Et tout se fait dans la parfaite entente de la quadrilogie. Mais, durant les deux dernières semaines, les éléments de l'armée du Rwanda ont franchi un tout petit la frontière et ont malmené un citoyen burundais à leur rencontre avant de faire le demi-tour. Aucun autre incident a été signalé parce que les corps de défense de notre côté faisaient déjà des patrouilles. Nous pensons qu'il s'agissait des éléments de l'armée rwandaise qui espionnaient là où se trouverait l'armée burundaise. Jusqu'à aujourd'hui, la situation est normale. Après avoir constaté que les relations entre le Rwanda et le Burundi ne sont pas au bon fixe, au niveau de la province, on n'a plus de fortes relations avec les administratifs rwandais parce que nous avons constaté qu'il n'est pas nécessaire d'entretenir des relations avec celui qui a un autre comportement. Nous espérons que les relations vont se renormaliser lorsqu'il changerait d'attitude. Le gouverneur de la province Kayanza et des commerçants de Cibitoke et ceux venus du Rwanda réclament la réouverture de la frontière Ruhwa, fermée du côté burundais depuis ce jeudi après-midi. Ils l'avaient respectivement franchi pour s'approvisionner comme d'habitude, mais ils n'ont pas pu retourner chez eux. Suivez-le. Nous faisons le commerce transfrontalier. Nous arrivons à avoir un revenu à la fin du mois, mais tout ce que nous avons amené va périr ici. C'est une grande perte. Lorsque les frontières étaient ouvertes, c'était facile pour nous. La nouvelle de la fermeture nous a vraiment abasourdis. On ne nous a même pas prévenus. Notre vie va devenir une misère. Lorsque je l'ai appris, ça m'a beaucoup découragé. Ça m'a pris beaucoup de temps à le digérer. Ça va me prendre du temps à remballer les marchandises que nous avions amenées. Nous allons retourner les affaires d'où nous venons. J'étais venu ce matin, j'avais un rendez-vous à l'hôpital. Au retour, j'ai appris que les frontières sont fermées. Nous voulons retourner et rentrer chez nous. J'étais de passage, ici à Rugombo, pour vite retourner au Rwanda. Je demande qu'on nous laisse y retourner. À midi, je suis passé ici à Rugombo. Lorsque je suis revenu, on m'a annoncé que les frontières sont fermées. Nous sommes bloqués ici. Nous attendons qu'ils nous laissent traverser de l'autre côté. Ce serait mieux si les Burundais et les Rwandais gardent de bonnes relations. S'il y a de conflits, qu'on laisse au moins chacun tourner chez lui et après fermer les frontières. Et vous aurez compris qu'il n'y a pas que les commerçants qui voudraient que cette frontière soit réouverte. Il y a également des gens ordinaire. La suite de ce journal. Un pays qui veut aller loin doit avoir des autorités d'une moralité saine et qui peuvent faire le bien à tout le monde. C'est ce qu'a déclaré le président du parti FPI, Fraternité des Patriotes Inéza, au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi. Francis Rohero compare le Burundi à un arbre qui a des racines dans ses valeurs qui sont Ubugabo, Ushinganahe et Ubuntu. Et selon lui, ce sont des concepts qui vont permettre qu'il y ait un leadership de qualité pouvant amener le pays à de meilleurs changements. On l'écoute. Nous comparons le Burundi à un arbre suffisamment grand, un arbre qui peut donner autant de fruits, autant de plaisir à tout celui qui y est proche de cet arbre. Et cet arbre doit avoir des racines. Exactement. Si nous considérons le Burundi comme un arbre, un très grand arbre, alors on le prend dans le sens que cet arbre doit avoir des racines. Et ces racines, c'est d'abord notre culture qui est basée sur des concepts exceptionnels tels que le Ubugabo, Ushinganahe et Ubuntu, qui sont des racines profondes dans notre culture, où Ubugabo s'exprime par le travail, le courage et la passion. Ainsi, nous avons aussi le Ushinganahe qui est mis en exergue par l'intégrité, la justice et la compréhension de l'autre. Ainsi, le Ubuntu qui est manifesté naturellement dans la culture burundaise par l'amour du prochain, par la compassion et par le partage. Ainsi, ce sont ces racines qui définissent dans la culture burundaise une personne qui est acceptée comme étant une bonne personne. Au Burundi, on ne se prédestine pas d'être bon. C'est la société qui peut dire « celui-là, il est bon » parce que quand vous êtes bon, vous donnez des fruits aux autres parce que vous affichez un comportement clair à l'égard du prochain. Devenir autorité au Burundi est devenu comme un mode pour chercher une vie facile. Essayer d'avoir du travail, créer une diversion pour se hisser au sommet des autres. C'est pour cela que je dis, la première chose qui doit distinguer un pays qui veut aller loin, il doit chercher des autorités qui ont une moralité saine, des gens qui peuvent faire le bien à tout le monde. Ce n'est pas extraordinaire d'avoir des hommes et des femmes de bonne moralité. Il y en a plein au Burundi. On ne devrait pas se plaindre de notre gouvernance si on basait notre autorité, si on les jugeait par des valeurs que nous connaissons dans la culture burundaise. Francis Rohero. Et pour boucler ce journal, l'insuffisance de l'électricité et de l'eau potable sont les principales préoccupations soulevées par la population de la commune de Bugabira en province Kirundo ce mercredi lors de la réunion tenue par le gouverneur Victor Segasago. L'autre question pertinente posée concerne les conflits fonciers, raison pour laquelle le gouverneur de province a ordonné au chef de colline de ne plus cautionner les ventes des propriétés familiales. Abraham Safari. Parmi les questions qui hantent la population de la commune de Bugabira figure la question d'insuffisance du courant électrique, l'eau potable qui, jusque-là, n'est pas encore disponible alors qu'ils en ont la promesse il y a quelques années. Ici, la plupart de la population de cette commune consomme encore l'eau des lacs avec des conséquences qui en découlent, comme l'a signalé Eric Twizerimana, administrateur de la commune de Bugabira. Autre question soulevée par la population dans cette réunion tenue par le gouverneur ce mercredi, les problèmes de conflits fonciers et la maladie ayant les signes de la rougeole. Le gouverneur de Kirundo, le colonel de police Victor Segasago, a répondu pour la question de l'électricité qu'il va toucher le service chargé de ce secteur. Concernant l'eau potable, cet administratif a précisé qu'une équipe technique est déjà à l'œuvre. Il a promis à la population de Bugabira que cette année ne peut pas prendre fin sans que l'eau potable ne leur parvienne. Victor Segasago a également interdit au chef de colline d'accepter les contrats de vente des propriétés familiales afin de trouver solution à ces conflits fonciers. Quant à la maladie fréquente, surtout chez les enfants ayant des signes de la rougeole, le directeur de la province sanitaire de Kirundo, Dr Samuel Kwizera, a interpellé la population d'acheminer au dispensaire le plus vite possible le patient ayant les signes d'une maladie non connue. Signalons que le chef de colline Kionza, en cette même commune, a été limogé de ses fonctions ce mardi, comme l'a signalé le gouverneur Segasago Victor. Motif est que cet administratif n'a pas bien servi la population, car certaines doléances recueillies par le gouverneur disaient que des cas de violence se sont produites, mais il n'a rien fait pour secourir les victimes. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Avant de nous séparer, retenez que le ministre burundais de l'Intérieur a annoncé ce jeudi la fermeture des frontières terrestres avec le Rwanda.